Dialogue improbable. Il s'appelle Alexandre de la Poétie. De la Boétie? Non, Poétie. C'est un ver à 12 pattes. Mais les vers n'ont pas de pattes. Ils ont bien des pieds, parfois. Tu dis n'importe quoi. Oui, ma foi, car le monde n'est pas seulement ce qu'il est. Ce que l'on en sait, ce que l'on en voit. Il est ce que l'on en fait. De nos mains, de nos mots, de nos corps, de nos âmes, mais aussi de nos yeux. Non pas seulement ceux qui encadrent le bout de ton joli nez, mais les yeux offerts et ouverts par les cieux, par les dieux. Rêve, fais un vœu, tu le peux, fais-le. 1, 2. À pieds joints, saute au loin, au pays de sans souci où règne la magie, où nul besoin d'oubli, où tout est joli, sur le continent imagination où tout est bon, de la planète poésie, un véritable paradis. Et c'est reparti. Tati, Tati, attends, cette fois je te suis. Allons-y. Clarissandre, 21 juin 2023.